Ézéchiel chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant. Que voulez-vous dire, vous qui usez ordinairement de ce proverbe touchant le pays d'Israël, en disant, les pères ont mangé le verjus, et les dents des enfants en sont agacées? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que vous n'userez plus de ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme de l'enfant est à moi comme l'âme du père. Et l'âme qui péchera, sera celle qui mourra. Mais l'homme qui sera juste, et qui fera ce qui est juste et droit, qui n'aura point mangé sur les montagnes, et qui n'aura point levé ses yeux vers les idoles de la maison d'Israël, et n'aura point souillé la femme de son prochain, et ne se sera point approché de la femme dans son état d'impureté, et qui n'aura foulé personne, qui aura rendu le gage à son débiteur, qui n'aura point ravi le bien d'autrui, qui aura donné de son pain à celui qui avait faim, et qui aura couvert d'un vêtement celui qui était nu, qui n'aura point prêté à usure, et n'aura point pris de surcroît, qui aura détourné sa main de l'iniquité, qui aura rendu un droit jugement entre les parties qui plaident ensemble, qui aura marché dans mes statuts, et aura gardé mes ordonnances pour agir en vérité, celui-là est juste, certainement il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Que s'il a engendré un enfant qui soit un meurtrier, répandant le sang, et commettant des choses semblables, et qui ne fasse aucune de ces choses que j'ai commandées, mais qu'il mange sur les montagnes, qu'il corrompe la femme de son prochain, qu'il foule l'affligé et le pauvre, qu'il ravisse le bien d'autrui, et qu'il ne rende point le gage, qu'il lève ses yeux vers les idoles, et commette des abominations, qu'il donne à usure, et qu'il prenne du surcroît, vivra-t-il ? Il ne vivra pas, quand il aura commis toutes ces abominations, on le fera mourir de mort, et son sang sera sur lui. Mais s'il engendre un fils qui, voyant tous les péchés que son père aura commis, y prenne garde, et ne fasse pas de semblables choses, qu'il ne mange point sur les montagnes, et qu'il ne lève point ses yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qu'il ne corrompe point la femme de son prochain, et qu'il ne foule personne, qu'il ne prenne point de gage, qu'il ne ravisse point le bien d'autrui, qu'il donne de son pain à celui qui a faim, et qu'il couvre celui qui est nu. Qu'il retire sa main de dessus l'affligé, qu'il ne prenne ni usure ni surcroît, qu'il garde mes ordonnances, et qu'il marche dans mes statuts, il ne mourra point pour l'iniquité de son père, mais certainement il vivra. Mais son père, parce qu'il a usé de fraude, et qu'il a ravi ce qui était à son frère, et fait parmi son peuple ce qui n'est pas bon, voici, il mourra pour son iniquité. Mais, direz-vous, pourquoi un tel fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? Parce qu'un tel fils a fait ce qui était juste et droit, et qu'il a gardé tous mes statuts, et les a faits, certainement il vivra. L'âme qui péchera, sera celle qui mourra. Le fils ne portera point l'iniquité du père, et le père ne portera point l'iniquité du fils, la justice du juste sera sur le juste. Et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Que si le méchant se détourne de tous ses péchés qu'il aura commis, et qu'il garde tous mes statuts, et fasse ce qui est juste et droit, certainement il vivra, il ne mourra point. Il ne lui sera point fait mention de tous ses crimes qu'il aura commis, mais il vivra pour sa justice, à laquelle il se sera adonné. Prendrai-je en aucune manière plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, l'Éternel, et non plutôt qu'il se détourne de son train, et qu'il vive, mais si le juste se détourne de sa justice, et qu'il commette l'iniquité, selon toutes les abominations que le méchant a accoutumé de commettre, vivra-t-il? Il ne sera point fait mention de toutes ces justices qu'il aura faites, à cause de son crime qu'il aura commis, et à cause de son péché qu'il aura fait, il mourra pour ces choses-là. Et vous, vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Écoutez maintenant, maison d'Israël, ma voix n'est-elle pas bien réglée? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Quand le juste se détournera de sa justice, et qu'il commettra l'iniquité, il mourra pour ces choses-là, il mourra pour son iniquité qu'il aura commise. Et quand le méchant se détournera de sa méchanceté qu'il aura commise, et qu'il fera ce qui est juste et droit, il fera vivre son âme. Ayant donc considéré sa conduite, et s'étant détourné de tous ces crimes qu'il aura commis, certainement il vivra, il ne mourra point. Et la maison d'Israël dira, la voix du Seigneur, l'Éternel, n'est pas bien réglée. aux maisons d'Israël, mes voies ne sont-elles pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas bien réglées? C'est pourquoi je jugerai un chacun de vous selon ses voies, aux maisons d'Israël, dit le Seigneur. Convertissez-vous, et détournez-vous de tous vos péchés, et l'iniquité ne vous sera point en ruine. Jetez loin de vous tous les crimes par lesquels vous avez péché, et faites-vous un nouveau cœur, et un esprit nouveau. Et pourquoi mourriez-vous, aux maisons d'Israël? Car je ne prends point de plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez.